une seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Masca. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour un nouveau Planète Rap. Masca est là de retour, je te retrouve. Yes. Après avoir eu un doute hier, après avoir eu un doute sur ton identité, ça y est, c'est le vrai Masca. Depuis que j'étais, et oui, je suis redevenu moi. Comment va ? Très bien. Il nous a arrivé un truc marrant un peu avec, avec Abou hier. Hier, vous êtes parti avec Abou de Beng, donc pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, sachez que Masca était maquillé de noir. Ouais. Et Abou de Beng était maquillé de blanc, donc vous avez bien inversé les rôles. Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé en sortant? Ils ont sorti avec ce maquillage. Je me suis dit, ils vont pas aller bien loin dans le quartier. Ouais. Franchement, on n'a pas fait long feu. Déjà, bonsoir Fred. Ça va? Ouais, tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir après l'émission alors? Franchement, hier déjà, tous les feux, on se faisait arrêter par des passants. Les gens, ils trouvaient ça fantastique en fait. Ils rigolaient. Des gens, ils nous suivaient en caisse. Il y a une soirée, vous avez un truc de prévu. Ouais, il y a un mec qui nous disait, c'est quoi le thème? Expliquez-nous le thème. Système. Il y a un mec qui nous disait, c'est quoi les systèmes? Et après, Abou, il me dit, vas-y, viens, on passe à l'épicerie, on va acheter un truc à boire, tout ça. Ah, vous êtes allé comme ça? Ouais, et après, il me dit, non, mais attends, est-ce qu'ils vont pas penser qu'on va les braquer ou quoi? C'est chelou l'ambiance. En plus, moi, j'ai une voiture de marque allemande, donc ça fait braqueur allemand. Ah oui, tout ok. Ça. Maintenant, on arrive, le mec à l'épicerie, il est complètement bleu et tout. On dit, non, mais t'inquiète pas. Lui, t'es bleu, putain, quel bordel, cette émission. Non, il est devenu bleu, blanc, toutes les couleurs. C'est un truc de ouf. Et au bout de deux secondes, même pas le temps de choisir trois articles, t'as au moins 8 civils qui sont arrivés entre 8 et... Ils étaient beaux, plus de 15. Ouais, c'était... À 15 pour vous deux. Ouais, voilà. C'était comme de ouf. Je me retourne, j'ai un peu de salami halal dans la main. Oui, couchez-vous, tout ça. Vous faites quoi là? Oh, c'est comment? Moi, j'étais encore dans le rôle d'Abou de Beng. Moi, j'étais en mode... Il a dû s'occuper de... Bah ouais, je les ai couchés. Quand tu as expliqué après au flic que tu étais Abou de Beng et que toi, tu étais Masca, ça a dû être égaré. Franchement, ils ont rien compris, ils ont pas trop cherché à comprendre jusqu'au moment où, je sais pas, il y en a un qui a tilté, ils sont calmés. Ouais. Ils ont trouvé ça drôle, ils ont quand même commencé à nous raconter leur CV, oui. Moi je faisais partie de Rap Attack. Lourd, j'espère que t'avais de la punch. Ah oui, donc il y a des mecs recyclés dans la bac. Dans la bac. Il y en a partout après être rappeur ou écrivain. Bah voilà, regarde l'avenir. L'avenir, c'est s'inscrire dans la police dans quelques années. En tout cas, franchement, sincèrement, hier, c'était une expérience que j'aimerais bien revivre. Ils ont mis du temps à nous croire quand même. Ah ouais, vous êtes sûr, jusqu'à aller montrer son Instagram. Comment c'est à dire, regardez, c'est nous, on était sur Skyrock. Bon, tout s'est bien fini. Ouais. Franchement, quand vous êtes arrivé à la maison, pas de soucis. Non. Franchement, super heureux. Avec vos familles respectives, ça s'est bien passé. Tout allait bien. Hier, c'était une grosse soirée. On a eu des bons retours et on espère que ça va continuer. Là, on a franchi une sécaille dans les locaux. Je les ai vus, ils sont en train de monter. Ils prennent leur temps. Hein. Ouais, toujours. C'est des grosses stars. Là, je vois type PDG qui est là. Ah bah lui, c'est le beau gosse du gang. Hein. J'arrive pas à comprendre. Bon, et ben on va se rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, on va se rappeler la soirée d'hier soir. Maintenant, petit replay de l'émission d'hier du Planète Rap. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Et c'est reparti pour une nouvelle soirée. Bienvenue à vous tous, le Planète Rap consacré à Masca. Comment va? Ça va très bien, d'humeur ténébreuse aujourd'hui. Et ça, espace-temps qui résonne. Dans les bacs, je suis qu'un homme. Gardant le reflet de vos yeux, je vois mes défauts. Il y a un concept ce soir dans l'émission. Yeah. Il y a le yin et le yang. On va intervertir, on va changer de rôle, on va changer de place. On ne sait plus reconnaître qui est Masca, qui est Abou de Beng. Il y a une peinture sur le visage, une peinture noire, une peinture blanche, des sourires blancs, des sourires noirs. Planète Rap. Planète Rap. Face aux épreuves, comment me contenir? Ce n'est qu'une question de persévérance, patiente et serrer les dents. On va faire ce petit quiz yin et yang, si vous voulez bien, ce côté noir et blanc. La vie d'artiste, le show business. Plutôt yin, plutôt yang. Masca répond à ça. Je chante, j'écris des textes pour des artistes ici présents. Voilà, je le dis, je suis derrière, je suis un ghostwriter. Et comment tu vis ça? J'ai écrit zombie. Comment tu le vis? Tu le vis comment le truc? J'ai écrit zombie, gros. T'as changé ou pas? Ouais, j'ai changé, ouais. J'ai changé, mais les gens ne le savent pas, donc faut pas trop le dire. Mais c'est positif? Non, négatif, très négatif. Très négatif. Ouais, je suis un bâtard. Planète Rap. Les meufs plutôt noires ou blanches? Je savais, voilà. Moi je suis plutôt international, hein, je prends tout ce qu'il dit. Ouais, dès que c'est beau, je mange. Allez, c'est parti, l'heure du live sur Skyrock, c'est parti maintenant. Yeah! Avec Maska et Abou de Beng. Wesh, Mookie, on s'est connus en volant cette fille. Regarde ce qu'on a vécu, elle est par violente cette vie. Descendre prêche en Italie, remplir les zéniths. Ils savent pas qu'on est des frères avec ou sans la musique. J'ai dans le sang la musique comme un virus nuisible. Ouais, sérieux, c'est easy pour nous te faire des tubes ici. Des frères me trahissent qui m'entubent à domicile. Si mes ancêtres sont des singes, arrive pas d'origine. Je Ling et Yang en même temps, intelligent et méfiant. On dépend tous d'un rectangle, carte bleue, billet de banque. Ça devient pas inquiétant, ça l'a toujours été. Mais le croyant ne s'inquiète pas, pour lui tout est réglé. Votre opinion m'a stressé, me sens sans cesse agressé. Par vos jugements, mais laissez, moi j'ai déjà percé. Ça c'était hier soir dans l'émission avec Maska, avec Abou de Beng. Et ce soir c'est une nouvelle émission avec cet album Espace-Temps qui sort le 20 octobre. Et donc le 20 octobre dans les bacs de Shinsekai. Bonjour, dans le studio Shinsekai. Tiens, prends un siège, regarde, prends un petit siège pour qu'on installe quand même monsieur Aboutal Dadjou. Ça y est, il a pris sa place. Ah, il a mais qui sont beaux, qui sont frais, qui sont talentueux. Quelle classe. Bonsoir, comment allez-vous? En pleine forme? Ouais, ça va, et toi Fred? Bah écoute bien, on avait ton compère hier soir qui était là. Ouais, j'ai entendu ça. Et toi qui est donc aussi, qui vient compléter un petit peu cette semaine. Toi, tu as écouté aussi l'album de Maskin? Bien évidemment. Alors, petit avis, on demande l'avis à tout le monde. Petit avis. Bah, moi, personnel. Un avis personnel. C'est un album très, très, très personnel. Il y a des messages assez importants, notamment sur un titre comme celui qu'on a pu écouter hier, Rien sans les autres. C'est des titres qui sont vraiment touchants et des titres pour lesquels tout le monde est concerné, quoi. Donc, c'est vraiment un bel album et un album qui parle. Très bien, ben merci Aboutal. Qu'est-ce que ça me touche, venant d'un génie. Quel témoignage. Ouais, quel témoignage. Plaisir. Bon, on va écouter des morceaux. Ce soir, il y aura du live aussi. Yes, bien évidemment, nous sommes dans la générosité. Je suis un propagateur d'amour, je te l'ai jamais dit, je propage de l'amour. Tu propages l'amour. Je propage de l'amour, divers sentiments, et l'amour en fait partie. Donc on va donner aujourd'hui, on va donner en attendant le 20 octobre. Alors on va aussi rappeler que si les Shinsekai sont là, c'est qu'ils sont présents sur l'album. Il y a deux morceaux avec Dadjou. Ouais. Ouais. Et un seul avec Abou. Hein, qui... ouais. Tu cherches à faire quoi? Je constate. C'est vrai, il y a un truc bizarre. Que j'ai pas senti, qu'est-ce qu'il cherche à crier? Je vais faire un album en commun avec Abou. Je me dis que peut-être tu n'étais pas là tout le temps. Si, j'étais là. On travaillait sur notre album en commun, c'est pour ça. Voilà, c'était ça. Au lieu d'avoir Shinsekai, tu vois, parce qu'on était en embrouille, Tal et moi. Donc, il y a une journée, il a eu Tal, il y a une journée, il a eu moi. T'sais. Et puis après, tu es revenu le lendemain. Après, il est revenu dans le dos de l'autre. Il est allé chez Renault, tu vois, il a effacé ses voix, il a posé à sa place direct. Ah, le salaud, hein. T'étais pas au courant de tout ça. Non, hein. J'étais pas au courant. Mais bon, là, l'important, c'est que maintenant, vous êtes réconciliés. On est réconciliés, on est dans le même projet, le même projet qui vise la même chose. On vise la même chose, on vise toujours le disque d'or, le disque, ramener le disque. Qu'on referait. Ramener son disque. Une petite parenthèse, j'ai écouté des morceaux sur Indéfini, l'album de Shinsekai qui arrive. Je n'ai pas de mots, c'est un délire de ouf. Et un morceau en particulier, vraiment un gros. Tu confirmes qu'il y a toujours les deux dans le groupe, hein. Ouais. Dans ce que tu as écouté. Ils sont trois. Il y a PDG. Il y a le Wati PDG. On l'a pas applaudi quand même. Qui est juste derrière. Oh là là. Pour le reconnaître, ça c'est simple, les casquettes avec PDG dessus. Hein, et quand il arrive, il y a plein de messages qui arrivent. Surtout de madame PDG qui comment c'est pas. Le mec se met tout le temps en retrait pour mater que les messages en fait. C'est pas vrai. Le premier manager mannequin. Top modèle, on peut même aller dans le top. On peut aller dans le top modèle. S'il porte ta marque, il la soulève tout de suite. Ça va, vous allez bien tout le monde? Et toi? Impeccable. En pleine forme? Prochain défilé, c'est pour qui là? Il n'y a pas de défilé. Non, il n'y en a pas. Et bon, on va profiter de toi aussi. Envoyez des messages justement si vous voulez à Wati PDG. Oh, le premier sur lequel je tombe, Maska sur Skyrock. Wati PDG, un homme parfait. Il y a marqué Wati PDG, trop bien ton morceau, le yin et le yang. Voilà. C'est du jamais vu. Le mec met sur les réseaux sociaux, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi. C'est du jamais vu, non. Allez-y, balancez les messages. PDG, moi. Ah oui, les photos arrivent. Mais quel buzz, quel homme. Avec, c'est quelqu'un avec des jeunes filles dévêtues. Mais c'est... Oh là là. 19 ans, c'est limite ça. Nana, 19 ans. Oh, tu peux même aller plus bas, j'ai l'impression. Bon, envoyez des messages avec le hashtag Masca sur Skyrock. Allez-y. Et on débute Masca avec un morceau, le Rien sans les autres. Rien sans les autres. Allez, c'est parti. Nous sommes rien sans les autres. Rien sans les autres. Je rien sans les autres. Rien. Sans vous, rien sans les rien. Sans toi, je ne suis rien, Masca. Putain, quel rêve. Espace-temps, le 20 octobre dans les bacs. Précommande le bail, man. Précommande ce truc. On voit chez les autres ce qui se cache en nous. Oui, c'est un défaut qui nous unit tous. On se sent au-dessus des gens, sur eux on s'accoude. Et on tend la main que quand on est dans la boue. T'étais censé faire du genre, mais t'as rendu tes parents fous. Tu parles pas la même langue depuis 5 ans, tu parles en sous. Dès que t'as pété le magot, t'oublies tes potes, tu pars en douce. Mais à quoi sert ton gamos dans un désert ou dans la brousse? Je fais pas de différence, je dépends pas de ce qu'on pense. Quand on perd nos proches, c'est pas nos plaies qu'on pense. Quand on fait du bien, y'a très peu de récompenses. Mais ta morale te suffit, n'hésite pas, recommence. Yeah. Les éloges qui résonnent. Je suis qu'un homme comme les autres. Rien sans les autres, la peau sur les autres. Les biens sont les vôtres, on se rejette la faute les uns sur les autres. Garde dans le reflet de vos yeux, je vois mes défauts. Oh, oh, oh. Le 20 octobre dans les bacs. La peur de l'étranger ne rassure pas la France. Elle s'auto-terrorise et n'assume pas sa chance. Tu m'as donné la force, j'ai pas su la prendre. Le mal est normal car le bien est étrange. Quand t'as rien mangé, t'envies les gens là dans le ventre. Jaloux contre tous, c'est comme un crash à face au vent. La modestie est belle, la jalousie est arrogante. Je vais finir incompris comme un indien qui parle aux plantes. Même les boxeurs défendent des coups, leur adversaire. Des choses me poussent au cri, mais panique pas, je suis pas d'expert. Rien à dire, l'homme l'espèce, ne parle que par l'espèce. Tu sais, mon frère, ce que t'aimes, debout quand tu sais t'aimes. Les éloges, qui résonnent. Je suis qu'un homme. Comme les autres. Garde dans le reflet de vos yeux, joie mes défauts. Garde dans le reflet de vos yeux, joie mes défauts. On les voit d'adjou. Garde dans le reflet de vos yeux, joie mes défauts. On se croit tous meilleurs que les autres et c'est pour ça que personne ne l'est. En réalité, les anges ne sont pas à Los Angeles. On agit chacun pour soi, bien qu'on soit rien sans les autres. On aimerait être parfait, je serais pas humain sans mes fautes. L'homme est sociable malgré tout l'ego qu'il a. Les députés s'emballent car y'a le ghetto qui râle. On a plus besoin des autres que de ce béto qui fane. Papa, sans toi la vie n'est qu'un ego qui crame. Les éloges Qui résonnent. Le 20 octobre dans les bacs. Car dans le reflet, Dachou, Aboutan, Issam, Anis, IDR, Mamad, mon frère Sylvestre, rien sans les autres. Dédicace à tout le monde, à tous les gens que j'aime. Rien sans les autres. Je suis rien sans vous, on est rien. Moi, dédicace à tous ceux qui m'aiment. Je ne serai rien sans vous. Yeah. Le 20 octobre dans les bacs. Yeah. Lundi prochain dans les bacs. Précommande le truc. En précommande avec elle, on en a pas parlé d'ailleurs. On peut applaudir, tu as raison. Voilà le morceau Rien sans les autres. Masca, extrait de l'album Espace-temps qui sort lundi. Et je le disais ce soir, puisque si on précommande l'album, tous les jours on a un nouveau titre. Exactement. Et aujourd'hui, c'est le featuring avec Aboutal qui plaît bien apparemment parce qu'il est monté sans promotion déjà en 42e place. Et on n'en a pas parlé, là on profite pour en parler. Téléchargez le, procurez-vous donc l'album, vous aurez Relativise, un morceau d'une autre couleur, un peu joyeuse. Aboutal va nous en parler là tout de suite, je pense. Masca m'a appelé un soir, c'était au mois de juin, un truc comme ça. Et voilà, il m'a proposé précis, un titre. La précision. Il était quelle heure? Attends, laisse-moi réfléchir. C'était en fin de journée. D'accord. C'était en fin de journée et il m'a proposé de passer au studio avec. Donc toi t'étais où? C'est important. Je sais plus où est-ce que. Oh, dis où t'étais, gros. Voilà. Parce que quand Masque appelle, normalement, tu dois te souvenir. Tu dois te souvenir. Donc, tu étais où dans quel endroit, la maison? Dans quel coin de Paname? Franchement, dans quel coin huppé, l'ambiance? Franchement, je sais plus. J'étais probablement chez moi. Et donc, il m'a appelé. Tu es à la maison, coup de fil. Oh, Masque. De Masque, voilà. Donc là, tu dis pas que tu vas mettre sur messagerie, tu décroches. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. C'est mon grand frère avant tout. J'ai oublié de préciser. Masque, c'est vraiment, vraiment mon grand frère. Donc, j'oserais jamais ne pas lui répondre. Donc, j'ai répondu. Il m'a dit qu'il avait besoin de moi sur un titre. Il m'a envoyé le titre et c'est quelque chose qui m'a parlé directement. C'est quelque chose que, enfin, en écoutant, j'ai compris que ça correspondrait très bien à ma voix. Donc, je suis passé en studio. On a commencé à travailler sur le titre. Puis, on s'est revu une deuxième fois. On a retravaillé sur le titre, sur l'écriture et ça a donné ce que ça donne. Relativiste. Et grâce à lui que le morceau est aussi bon. Je tiens à dire quand même parce que sa voix, c'est vraiment, c'est celle que je voyais sur le titre et elle a rapporté quelque chose d'énorme au titre. Donc, la grosse performance de Aboutal, vraiment lourd. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je repense à tous ces moments parce que en vrai, Masque et moi, on se connaît depuis tellement, tellement longtemps. Ouais. Lui et moi, on était... L'histoire, elle est folle un peu parce que lui et moi, moi, j'étais en maternelle et lui, il était en primaire, tu vois. Et Ah oui, donc oui, ça remonte à très loin. Ouais, il a changé ses couches, tout. Non, c'est presque ça. C'est vrai. Mais tu vois. Et vous connaissiez déjà la maternelle primaire ou en fait, c'était une école, il y avait la maternelle et la primaire dans la même école. Donc pendant la récré, on se voyait, tu vois. Et j'étais du genre son protégé, tout ça, celui qu'il aimait bien, tout ça. Ouais, exactement. C'était son petit peu. J'ai des idées. Et aujourd'hui, on fait on est ensemble ici à Planète Rap, c'est quand même fou. Non, mais c'est vrai que ouais, l'histoire est belle en même temps. Ouais. Quand tu parles justement de rien sans les autres, voilà, de continuer à avancer et de garder aussi une base solide, c'est le cas. Hein. Ah, le destin est surprenant. Ouais. T'en parles aussi dans les morceaux, les rapports, que ce soit avec le FA, Gims. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure d'ailleurs dans une super Ferrari. Il m'a dit grosse tiens, dédicace à lui. Grosse dans une grosse Ferrari, on entend comme ça, on marchait avec Abou, on entend un gros bruit de moteur. On commence à insulter. C'est qui fait ce bruit là et tout? Merde! Tac, on voit notre gars Gims. Hé hey, les mecs! C'est comment tout ça? Venez tout à l'heure. Bon voilà, gros salam à mon frérot Gims qui m'a fait une déclaration d'amour en plus hier. C'est vrai, il a dit je t'aime mon frère. Moi aussi je t'aime mon frère, on est ensemble. Ouais, et donc voilà l'histoire pareil avec Tal, l'histoire de maternelle, primaire. Mm-hmm. Et toi, tu suivais un peu le parcours justement vous avez toujours suivi le parcours Toujours. C'est dans la même rue quasiment. Toujours. Dans la même rue. Et voilà, moi si je rappe, c'est plus ou moins grâce à eux, tu vois. C'est parce que je les ai vus, c'est quelque chose qui m'a passionné. Et j'en ai fait par la suite et ça m'a mené où je suis aujourd'hui. Donc c'est en partie grâce à eux. Bon, les études qui étaient plus fortes au niveau des études, peut-être pas en maternelle ni primaire, mais par la suite, qui a été le... Masca, il a quand même poussé ses études. Hein. Masca, c'est un surdoué. T'es à la fac quand même, non? Oh ouais, je suis à la... Mais j'ai arrêté cette année-là. Oui, parce que l'an dernier, tu étais encore, il me semble. Ouais, l'an dernier, j'étais. Et là, non, fini, t'as abandonné. Fini, ouais, il gagne beaucoup d'argent. Je viens de... Non, sérieux, je viens de dire un truc. Personne m'a écouté. Masca, c'est un surdoué. Arrête, ouais. Bon, jure que ta prof, elle t'a pas dit il y a 4 ans qu'en réalité, elle voulait pas te le dire et que t'étais un surdoué. Arrête, vas-y, jure que je mens. Non, il y a quatre ans, un jour Masca m'a fait une confession, il m'a dit en fait Abou. Bon, il était pas dans son état normal. En fait, je suis un surdoué. En fait Abou, il y a un truc que j'ai dit à personne, toi je vais te le dire vu qu'on est Yin et Yang. Ben ma prof, je l'ai recroisée il y a 4 ans. Elle m'a dit je voulais pas te le dire Bastien mais tu étais un surdoué. C'est pour ça que je suis plus direction d'astrophe. Jure que tu me dis pas à chaque fois que t'es plus intelligent que la norme. Tu me dis pas ça, jure-le. T'as dit en vérité, tu l'as dit sincèrement. Quand t'es bourré, les deux ils se birent. Et toi, les deux ils se birent. Tu m'as dit que t'étais plus intelligent. Tu sais que tu es plus intelligent. Et toi, Abou, est-ce que tu as croisé une prof qui t'a dit as-tu fait du rap? Oui. Croisé Madame Bam Bam, une prof ou un surveillant. Bam Bam, Madame Bam Bam, tu te souviens? Moi je l'avais. On l'a tous eu en fait. Elle a une autre 3 générations. Qui m'a pas dit que j'étais surdoué, mais qui était très contente de me voir en tout cas. Elle m'a dit que j'avais le même sourire. Ça fait plaisir, non, quand même. Ah, tu sais, le truc sympa. Oh, t'as un joli sourire, ça n'a pas changé. Bon, c'est prof de quoi, Masquin? Français. C'était une prof de français. Un prof de français. Mmh. Voilà, évidemment. Ouais. D'où la suite demain. Bah, doit être fier. Tu lui as envoyé ton album ou pas? Je sais pas si elle a le corbeau là. Je pense qu'elle va avoir mes affiches dans le métro la semaine prochaine. Ça y est, ma tête est en gros là. Masque, l'album s'appelle Espace-temps. Qu'est-ce qu'on met comme morceau maintenant avant la pub et avant de revenir dans quelques minutes avant le freestyle? Qui les a blessés? C'est un morceau avec Dadju. D'accord. Ouais. C'est un morceau avec Dadju. Hein? On y va direct, qui les a blessés? Ouais. Est-ce que je peux rappeler les dates de séance dédicace de Masca quand même? Est-ce que tu peux le faire juste après le morceau? Non, tu peux pas, tu le fais avant. Ok. À la Wati Boutique, à Paris, le 20. Et je veux que tu me back. Ouais, avec les Wati Boutique, à Paris, le 20 octobre à Châtelet. Oh, Foot Corner épiné le 27 octobre. Oh, oh, ah. Je veux des variantes. Ouais, Foot Corner que... Le Havre le 28 octobre. Oh, oh, ah. Et je veux encore celle de Monçon là que je kiffe. Wati Boutique de Marseille le 1er novembre. Oh, ah. Ah, il m'a tué. Et si vous venez avec le CD, vous avez un t-shirt collector Espace-temps. C'est bon, on balance. Parfait. Allez, non, oh, putain, on balance le morceau. Ah, le morceau. Mais oui. Lourd qui les a blessés. Ça sort le 20 octobre, c'est Masca. Le 20 octobre dans les bacs. Et pas ouais. Tout seul sur le morceau, il y a Dadju aussi. Exactement. Je suis là aussi. Qui les a blessés avant qu'ils n'apprennent à marcher. Dadju. Qui les a blessés avant. Un génie parmi les génies. Shinsekai. Indéfini. Et qui ont déjà droit de vivre. Hey, Gibbs. D'un monstre qui avait un drôle d'appétit. Il avait déjà mangé les habitants de sa ville. Il parcourait la terre pour continuer à se nourrir. Pour satisfaire son ventre, beaucoup trop de gens vont souffrir. Après plusieurs années, il traverse la mer en bateau. Son voyage sera sanguinaire, il a la colère dans la peau. Difficile de négocier, monsieur ne tolère pas grand chose. Il débarque sur une terre, les habitants sont en applause. Qui les a blessés avant qu'il n'apprenne à marcher. Oui. Qui les a blessés qui n'apprennent à parler. Mais on ne peut pas le dire. C'est l'histoire d'un monstre. Qui ont le droit de vivre. Un monstre. Mais on ne peut pas le dire. C'est l'histoire d'un monstre. Qui ont le droit de vivre. Les habitants l'accueillent, le nourrissent en souriant. Mais ils connaissent pas le monstre, faudrait qu'ils soient plus méfiants. Ils peuvent pas l'apaiser, sa cruauté est en lui. Il commence par dévorer les plus jeunes, les plus gentils. Rien qui mange et grandit, la liste des morts s'empile. Le sang ne fait que couler, la terre est rouge et sans vie. Pas de bateau pour s'enfuir, oui les habitants endurent. Il se nourrit de leur souffrance, il apprécie leur sang pur. Qui les a blessés avant qu'ils n'apprennent à marcher. Ouh. Qui les a blessés avant qu'ils n'apprennent à parler. Lundi prochain dans les bacs. Espace-temps. Et après 400 ans de torture, le monstre a rempli son ventre. Plus rien à manger, faudrait qu'il rentre dans son antre. Les habitants sont en transe, mais ne possèdent que des lances. La peau du monstre est immense et sa haine trop intense. Il repart satisfait d'avoir détruit un continent. Il a laissé derrière lui de vastes ruines en s'empiffrant. Sans compassion, sans sentiment, comment cette bête se sent si grande. Elle a dessiné le destin de millions de personnes en s'enivrant. Qui et c'est toujours la même histoire. Les mêmes personnes seront toujours éprouvées. Sans cesse écrasées par les pas du monstre qui avait l'estomac troué. Oh, oh, oh. Blessé avant qu'il n'apprenne à marcher. Blessé avant qu'il n'apprenne à parler. Avant qu'ils n'apprennent à marcher. Qui les a blessés. Et avant qu'ils n'apprennent à parler. Qui les a blessés. Avant qu'ils n'apprennent à marcher. Qui les a blessés. Avant qu'ils n'apprennent à parler. Le 20 octobre dans les bacs. Masca. Espace-temps. Yeah. Oh, oh, ah. Le morceau s'appelle Qui les a blessés à l'instant avec Dadju de Shinsekai qui est là aussi ce soir, tout comme Abutal de Shinsekai. Ouais, ouais. Et on écoutera peut-être un live aussi tout à l'heure avec vous. Ouais, il y aura deux lives. Deux lives. Ouais. J'ai envie de dire là, c'est la fête ce soir. Est-ce que je peux te parler deux minutes de ce morceau parce que les gens peuvent pas forcément comprendre en fait le concept, parce que là je parle, en fait je raconte une histoire d'un monstre qui va bouffer des gens et qui va détruire des continents. Bien sûr c'est une image, ouais. Les gens savent que j'aime bien dire des choses dans mon rap, donc c'est pas une histoire pour raconter une histoire, mais ça m'a été inspiré dans notre dernier voyage quand on est parti au Mali en décembre dernier, et où je voyais un petit peu comment la réalité des choses là-bas, comment c'était difficile, et qu'il y avait certaines civilisations qui étaient responsables de ces désastres-là. Donc ça vaut pour l'Occident vers l'Afrique, mais ça vaut pour plein d'autres civilisations qui ont fait du mal à d'autres. Et j'ai pris l'image du monstre pour dénoncer justement ces choses-là, que comme quoi les hommes entre eux ils peuvent vraiment se faire du mal, et ça a des conséquences énormes sur beaucoup de générations. Et ça rejoint ces thèmes-là comme rien sans les autres, etc. C'est juste une histoire. Mais pour bien comprendre, donc c'est le Mali qui t'inspirait ça, en tout cas c'est un des voyages. Le dernier voyage au Mali, j'avais une mélodie dans la tête, et j'en ai fait part à Dadju, il a peaufiné aussi, et puis après on est rentré, on l'a écrit comme ça, voilà. Bon, et puis en tout cas on peut saluer aussi l'Afrique, le Mali en particulier, mais c'est vrai qu'il y a une force en tout cas de l'humain là-bas qui est peut-être pas aussi, on peut se poser des questions aussi parfois quand tu vois en Afrique il y a toujours une porte ouverte. Ouais, c'est vrai. Qui est, alors, toujours une cuillère qui traîne pour moi. Les gens n'ont pas forcément grand-chose, mais c'est vrai que voilà, il y a en tout cas un truc humain qu'on a peut-être perdu ici. Tu parlais de civilisation, mais qu'on a peut-être perdu ici, qu'il y a moins ici en tout cas. Non, c'est vrai que le contact là-bas avec les gens là-bas, il est assez facile. Je pense que mais c'est valable dans plein d'autres pays aussi, donc ce morceau c'est pas vraiment que ciblé sur l'Afrique, même s'il a des sonorités africaines et que c'est l'Afrique qui me l'a inspiré. C'est vraiment pour dénoncer toutes les injustices que les hommes ils se font entre eux. Il s'appelle Qui les a blessés à l'instant, ouais. Et c'est un morceau que vous retrouverez sur l'album qui sort dans 5 jours maintenant, sorti d'Espace-Temps dans 5 jours. Allez précommander l'album 5 Day pour les quinri, yes. À l'écoute five l'album days. De Maska, Maska, yes. Albums dans les bacs. Skyrock, donc on parle anglais aussi pour qu'elle comprenne. Yes. Qu'elle aille choper aussi le Qui ça Nicki Minaj. Ah bah elle est toujours pour à l'écoute de Skyrock. Qu'elle aille choper aussi Nicki, si tu m'écoutes, toi et ton big bat. Your big buddy, you si know. Si tu veux aller choper le 20 octobre, mon gars, là, oui, tu peux poser les albums d'ailleurs. Hein. C'est pratique. Tu peux en acheter avec Nicki, on peut en acheter une bonne vingtaine. Hein. Ouais, une bonne. Ouais, y a de quoi poser le truc. Une Fnac, tu mets la Fnac dedans. Donc voilà, c'est le 5. Le 20 octobre. C'est dans 5 jours. Dans 5 jours. On va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra, Maska, de l'album? Là, on va mettre le gros morceau, un des plus gros de l'album, qui s'appelle Relativise, que vous aimez bien, apparemment. Donc celui-là, vous pouvez vous le procurer sur iTunes directement et vous précommander l'album. Donc ça, si on précommande l'album, on l'a tout de suite. Exactement. Morceau Relativise avec tout Abou, comme justement. J'implose, tout comme Rien sans les autres, et Prie pour moi et Profitez de ma life. Yeah. Avec Abou Tal, qui est là aussi avec nous ce soir, à ne pas confondre avec Abou de Bain, qui est là aussi. Confond souvent avec Abou Tal. Sérieux? Mais toi, on te confondait avec Adé aussi. Ah ouais. Non, avec Adama, c'est différent. Les gens pensaient que j'étais son petit frère, et il y a un peu plus une ressemblance avec Adama que toi. Dès qu'on me confond avec toi, tu sais que la personne, je la gifle. Je lui dis, écoutez. Merci. Bon, évitez alors quand vous croisez Abou de Beng, de dire. Non, sincèrement, on me confond beaucoup. Comment il va, Dadjo? Non, sincèrement, on me confond avec Abou Tal, mais on sait que c'est moi. C'est pas Rossofit, c'est son nom qui ressort plus avec le Abou. Mais on ne confond pas avec Abou de Beng. Non. Comment on va le confondre avec Fred? Tu connais du berceau au linceul, rêvé. Fred, il est mauvais, je vois où tu vas en venir. Tranquille. Ne bougez pas, on revient dans un instant sur Skyrock. C'est avec Maska et ses invités ce soir. L'album Espace-Temps arrive lundi dans les bacs. Après le premier planète. Comme toi, Maska a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est le Planet Rap consacré à Maska avec l'album Espace-Temps qui arrive lundi 20 dans les bacs. Yes, exactement. Five days, Nicky. Et toujours en précommande avec ce soir un morceau en plus. Quand vous précommandez, vous repartez avec un morceau en plus. Relativise. Qui est extrait de l'album Espace-Temps. On va mettre un autre titre avant de passer au freestyle par téléphone. Morceau, on avait dit que c'était Relativise. Avec Abou Tal qui est là. Gros morceau. On y va, on le balance? On y va. Juste avant, la petite question aussi pour repartir avec l'album dédicacé de Maska. Il y a un featuring féminin sur l'album. On en a parlé cette semaine. Bon, quel est ce featuring? Je peux dire? C'est Nicki Minaj. Voilà. Allez-y, 41 759. 41 759. qui est en featuring sur Maria l'album Carré. De Maska, le featuring féminin. Whitney Houston. Abou de Bang. Qui a dit ça? C'est son grand frère. Ça se désavoue chaud là. Allez, on met le morceau maintenant avec Abou Tal et Maska Relativiste sur Skyrock. C'est parti. On va vos messages, vos réactions. Abou Tal, un génie. Relativiste. Quel génie. My bro. Relativiste, sache qu'on ne vit pas mieux dans nos rêves. J'adoucirai l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativiste, et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativiste, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. T'as deux jambes, t'es en pleine forme. Relativise, tout peut marcher. Tu taffes dur, charbonner ta lacet. T'inquiète, ton présent sera ton passé. Fait pour aimer, pas pour haïr. Souvent mon amour propre n'a fait que de me salir. Se plaindre c'est fatigant, un sourire devient intrigant. Soit t'es keuf ou soit t'es brigand, c'est pas ça la vie. Si la crise est flippante, elle est d'autant plus motivante. T'es l'acteur de tes sentiments, tout dépend comment tu les prends. Le bonheur on fréquente, l'épouser il s'étend. T'es déprimé sur ton divan, mais non c'est pas ça la vie. Relativise, sache qu'on vit pas mieux dans nos rêves. J'adoucirai l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativise, et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil. Ouh, avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Merci à vous. Relativise, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Un peu détends-toi, mets le son. Mets le son. Regarde toujours la lumière, même quand il fait sombre. Ok. Pourquoi s'entretuer, on vient du même monde. Hein? Quand je vois ton sourire, ma douleur s'estompe. Ok. T'as qu'une vie, tu souris pas, c'est inquiétant. Profite. Le sourire du malheur est plutôt intrigant. Bébé, ceux qui apportent de l'aide n'ont pas les mains qui tremblent. La haine une pénitence, l'amour une délivrance. Relativiste. Si j'ai pas la valeur de la vie, je serai toujours pauvre. Je t'ai pas dit de te jeter dans la cage. Relativiste. T'as perdu de l'argent, tu le remplaceras par autre chose. Oublie les ambiances moroses, la vie n'est jamais trop heureuse. Relativiste. Sache qu'on vit pas mieux dans nos rêves. J'adoucirai l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. À vous d'un relativiste. Relativiste, man. J'ouvrirai le soleil. J'endormirai le sommeil avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. On ne voit pas si mal. Les coups du sort. Les coups du sort. Gagner de mer, de sud, c'est sans effort. Sache qu'on ne vit pas mieux dans nos rêves. J'adoucirai l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativiste, et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativiste. Maska, le 20 octobre dans les packs, nigga. Le 20 lundi octobre prochain. Dans les packs, nigga. Le 20 octobre dans les packs, nigga. Relativise. 20 octobre dans les packs, yeah. Et si tu vas pas le chercher, on va pas le relativise. Yeah. Relativise à l'instant, c'est extrait d'Espace-Temps avec Maska, avec Abou Tal de Shinsekai qui est là aussi avec nous. Ce soir, c'est le morceau qu'on écoutait, le morceau que vous retrouverez dans les bacs dès lundi 20 octobre. Et que vous pouvez avoir tout de suite si vous précommandez l'album. Ou tout de suite si en effet on précommande l'album. Yes. Ça s'appelle l'Instagrat ce système. L'Instagrat. L'Instagrat, excuse-moi. Pour Nikki. Voilà. Instagrat, Nikki. Instagrat, Nikki, clique et tu repars avec le morceau de Maska. C'est parti. Yes. On va remettre, on va faire du live dans un instant. Je peux juste apporter une petite précision. Vas-y. De rappeler que le clip Yin et Yang est en live. Il y a aussi le live de Skyrock qui est super, qui est impressionnant, que vous avez mis en ligne. On l'a regardé sur YouTube hier en rentrant. Donc vous pouvez aller voir tout ça, cliquez, voilà. Et il y a aussi la tournée Black M. Qui commence qui a commencé le 11 octobre, mais bon, à Dijon, là, on va tous se retrouver le 23 octobre. On a une série à Montpellier, Marseille, Toulouse, en Suisse, à Paris le 4 décembre, à Amiens, à Pau, Le Mans, Amnéville. Et on vous y attend. Et moi, je serai aussi sur place. Si vous avez un CD, on vous offre un t-shirt avec une dédicace. La totale. Exactement. Je vous présente Yessima de Granville. Salut Yessima. Salut. Ça va bien ? Toujours, toujours, et vous ? Bah, bienvenue dans le Planète Rap de Masca. Merci. Alors toi, tu fais quoi ? Tu rappes, tu chantes ? Je rappe. Tu rappes ? Une rappeuse ? Une rappeuse ? Oui, depuis 4 ans, là. Depuis 4 ans ? C'est ça. Et bon, t'écoutes, t'as une trompe pour tout défoncer. Yeah. C'est parti, Yessima. Ça va. Freestyle par téléphone. Ok. Yessim, Granville, tu connais le dicton. T'en fais. Hey. Ça fait le moment où je me reproche, là, et ça. Si tu comprends pas pourquoi je laissais me reproche pas mes actes. C'est bon, vas-y, je m'enjaille, mais proposé d'aide à ces poteaux qui bizarrement m'ont pratiquement jamais proposé d'aide. Triste des géants, des gueules dans des jupes. Je fais partie des gens que tu n'aimes pas, des gueules dans des chutes. J'ouvre du thème, personne sous d'une taille. J'ai des comptes à régler, mais je mettrai personne sous tutelle. Si t'es mon pote, veille au grain de tes projets. La drogue, c'est comme les appels au secours, aucun veut décrocher. On saura qu'on en a trop fait qu'on tombe. Esclaves de la société, on file un mauvais coton. J'plante mes banques, mais pas passé de façon. Si tu fais des trucs plus sales que moi, viens pas me passer de savon. Ouais. Y'a que les prétentieux qui ont pas cru nos idées. Attends. Y'a que les prétentieux qui ont pas cru nos idées. Que du commérage, les nouvelles prennent que par curiosité. Écris, j'écris, mes nuits sont blanches et mon avenir écrit. Cher la ceinture comme un novice qui m'écrit. On développe pas de montagne sous poudreuse et sans skier les gars. On fait ce qu'il faut, ça veut pas dire qu'on fait ce qui est légal. Le temps c'est de l'argent, ça exo-chakrapia. Si le destin est écrit, ça l'exo-charapia. J'crie fort que t'as même pas osé marmonner leur prêt. J'ai trop encaissé, il est temps de rendre la monnaie de leur pièce. La mort sauve, à mon leur de le croire. Seuls les enfants de petits profiteront ponctuellement. Elle a mon heure de gloire. Mais allez, cassez-vous. Que du comme avant, c'est toujours pareil. Pourtant c'est plus comme avant. Yessim, tout à part de toi. T'as quel âge? T'es où? Donne tes trucs. Poil en une trente. Et franchement, à la défense, hein. Franchement, on va t'envoyer un contrat. C'est pas possible. Hey, copine, t'es une tueuse. Franchement, j'ai kiffé. C'est la première fois que je kiffe autant. Lourd. Balance tes réseaux sociaux là. Ah ouais, ouais, vas-y, vas-y. Alors fais la promo. Parce qu'il y a plein. En plus, il y a plein de réactions pour toi. Franchement, ouais, pas mal le live au téléphone. Défonce. Franchement, on en a fait des planètes rap. Et on en a entendu des gens freestyler. Et vraiment, c'est rare qu'on intervienne comme ça. Vraiment lourd. Et c'est toi qui écris tout? Ouais, c'est moi qui écris tout, ouais. Lourd, franchement. Eh ben alors on t'écoute, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur le net? Vas-y Yessima. Vous tapez Yessima sur YouTube, vous allez trouver mes morceaux, ma chaîne, et il n'y a plus qu'à écouter. Hein. Et t'as Twitter? Non, j'ai pas Twitter. T'as quoi, t'as Facebook? Ouais, j'ai Facebook. C'est quoi ton Facebook? Yessima, pareil. Donc c'est Y-E-2-S-I-M-A. Non, un S. Un S, pardon, ok. Y-E-S-I-M-A, c'est ça? C'est ça, exactement. Eh ben, on ira voir, on ira suivre, bon courage à toi, en tout cas. T'inquiète, on va te suivre de très près. Merci à vous. Yes. Pas trop près, mais très près. Non, mais bravo. Et un gros big up au poteau, à Granville, tous les alentours et tous ceux qui ont écouté. Yeah. Bah écoute, bravo, franchement, très fort. Il y a plein de réactions pour toi, donc bon courage vraiment pour la suite. Merci. Et puis venez rapper aussi les nanas, parce que c'est vrai que souvent c'est des mecs qui viennent kicker. Ouais, c'est vrai. Mais on sait que les filles ça kick aussi. Ah ouais, il y en a quelques-unes en France. On a un exemple, hein. Nikki, elle est. Qu'est-ce qui se passe? Alors, raconte-nous un peu. Non, il a regardé Anaconda avant de. Anaconda. Mon gars, t'as vu le. Qu'est-ce qui se passe, Dadju? Il y a un truc avec Nikki. Non, mais attends, c'est la femme de ma vie en fait. Tu sais que tu es assis sur son siège quand elle est venue. Elle était Al. Ouais, enfin, il y avait deux sièges. Mais c'est un de ses sièges, un de ses deux sièges qu'elle avait. J'ai envoyé mes CV et tout pour être à la place de Drake et tout ça, machin. Voilà, ça peut venir. Il y a moyen. Ouais, je pense que c'est possible. Vous avez le numéro ici, au contact. On va t'arranger. Ouais, je te remercie. Bon, en tout cas, bravo encore à Yessima qui est allé avec nous. Bravo à toi. Beaucoup de courage pour la suite. Est-ce que vous êtes prêts pour le live maintenant, messieurs? Vous avez intérêt à assurer, gros. Yessima, elle a mis la barre haute. Ah ouais. Et nous, hier, Yin et Yang, on a assuré. Ah bah, c'était énorme. Le live, d'ailleurs, est toujours dispo. Ouais, regarde ton portable, Dadju. Regarde bien ton portable. Tu vas chanter aujourd'hui. Ah là là là. Allez, quand vous voulez. En live sur Skyrock. Yeah, c'est parti. Relative Biz. Relative Biz. Okay. Relative Biz. Yeah. Cal. Relative Biz. Sache qu'on ne vit pas mieux dans nos rêves. On a douce à l'eau de mer. Avec les pieds sur terre, on ne peut marcher dans les airs. Yeah. Relative Biz. Et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil. Avec les pieds sur terre, on ne peut marcher dans les airs. Relativise. Tout le monde. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. deux jambes, t'es en pleine forme, relativise, tout peut marcher. Tu taffes dur, charbonner ta lacet. T'inquiète, ton présent sera ton pour aimer, pas pour haïr. Souvent mon amour propre n'a fait que de me salir. Se plaindre c'est fatigant, un sourire devient intrigant. Soit t'es flic ou soit t'es brigand, mais non c'est pas ça la vie. Relativise. Si la crise est flippante, elle est d'autant plus motivante. T'es l'acteur de tes sentiments, tout dépend comment tu les prends. Relativise. Le bonheur on fréquente, l'épouse est inquiétante. T'es déprimé sur ton divan, mais non c'est pas ça la vie. Relativise. Sache qu'on ne vit pas mieux dans nos rêves. Non, non. J'adoucirai l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativise. Et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativise. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Détends-toi, mets le son. Regarde toujours la lumière, même quand il fait sombre. Okay. Pourquoi s'entretuer, on vient du même monde. Tous. Quand je vois ton sourire, ma douleur s'estompe. T'as qu'une vie, tu souris pas, c'est inquiétant. Profite. Se nourrir du malheur est plutôt intriguant. Épais. Ceux qui apportent de l'aide n'ont pas les mains qui tremblent. La haine, pénitence, l'amour, une délivrance. Si j'ai pas la valeur de la vie, je serai toujours pauvre. Je t'ai pas dit te jeter dans la cage aux roses. T'as perdu de l'argent, tu le remplaceras par autre chose. Oublie les ambiances moroses, la vie n'est jamais trop rose. Sache qu'on ne vit pas mieux dans nos rêves. À Boutan. Adoucir à l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativise. Et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Non, ne prends pas si mal les coups du sort. Les coups du sort. Car il n'y a jamais de succès sans effort. Si le bonheur t'échappe, il viendra tout tard. Okay. Car il n'y a jamais de succès sans effort. Relativise. Sache qu'on ne vit pas mieux dans nos rêves. J'adoucirai l'eau de mer avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Relativise. Et j'éblouirai le soleil. J'endormirai le sommeil avec les pieds sur terre. On ne peut marcher dans les airs. Tout le monde fait pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Lundi prochain dans les bacs. Le 20 dans les bacs, les gars. Le 20 dans les bacs, yeah. Yeah. Yes, de toute façon, tout le monde. Relativise. Relativise. Pense à autre chose. Relativise. La roue tourne. À l'instant en live, le morceau Relativise. Quel dingue. Ça, c'est une dingue. Ça sent quand même le gros carton, ce morceau. Franchement, moi, il y a une question que je veux poser. Comment on fait pour éblouir le soleil? Mais c'est de la poésie, putain. Non, Madame Bampam te l'a pas dit. Non, il est pas surdoué, il est pas surdoué. Elle t'a pas appris les 4 ans, les 12 ans. Non, franchement, là, ils m'ont eu en fait. L'écriture de son, franchement, je la trouve vraiment, vraiment. Comment on appelle ça? Il y a beaucoup de méditation en fait dedans. Voilà. Beaucoup relativise. Positif. Non, c'est de la méditation pour moi. Oui, mais relativiser, bien. On peut pas dire que c'est un annexe à la méditation. Voilà, on va dire, ne t'inquiète pas. C'est une philosophie de vie. En tout cas, c'est lourd, gros. T'as un beau sourire, poto. T'as un beau sourire. Relativise, c'est exprès. Et en plus, sourire, man. Si vous avez kiffé ce morceau, si vous précommandez l'album maintenant, vous l'avez tout de suite à la maison. Right now. Vous pouvez l'écouter. Écoutez, on vous aime. On a fini pour live? Non, il y en a un autre. Ah. On est généreux. C'est raci, je ne comprends pas pourquoi. Non, mais attends, il faut s'asseoir, après on s'en paraît. Et après on se relève. Et là on se relève tout de suite, c'est parti maintenant. J'implose face aux épreuves, comment me contenir? Ok, j'implose. Les miens me soulagent, ces liens me font tenir. J'implose. C'est une question de persévérance, patiente et serrer les dents. Et j'implose. Mentir et vivant, je m'interdis d'en finir. Celle qui a pris ton cœur a perdu beaucoup plus. Yeah. L'amour a un goût de merde mélangé à de la rancune. À force de prendre sur moi, je peux même plus prendre de recul. Yeah. Je canalise mes nerfs comme un puits entre deux buts. Chant que j'en peux plus, mes pensées s'entretuent. Yeah. Die sans que je fume, j'ai marché sans recul. Yeah. La musique m'a appris de près le sens de flûte. Mais j'ai le cœur en paix, jamais je change de but. Accoudé sur un trait qui chuchote, qu'est-ce t'espère? Comment retrouver ses principes, on sait que le reste espère. Viens pas tester, espère, car je reste très ferme. Yeah. Laisse les terres, oh. Je reste très ferme. J'implose face aux épreuves, comment me contenir? J'implose, les miens me soulagent, c'est liens. rien me font tenir. J'implose, question de persévérance. Laisse pas sans desserrer les dents. J'implose, groupement dérivé. J'm'interdis d'enfiler. J'encaisse depuis toujours comme ce gamin qui se prend des parpaings par la vie. Marqué déçu comme le visage d'une tape à attendre. La lâcheté me tape en partant, c'est pas convaincant. Bats-toi, parle comme un homme et pas comme un gosse. J'implose, souffrir en secrète, sourire au lèvres. Peu importe, j'cours à ma perte, j'oublie mes rêves. J'prends sur moi comme un obèse, bourré de graisse. J'vis pas d'amour et d'eau fraîche, j'suis entouré de braise. J'suis pas un plein de poteaux, y'a toujours pire que soi. J'ai toujours plein de photos qui me rendent visite que soi. Un rire à part photo, les flashs noircissent mon cœur. Mais t'inquiète pas, j'implose, mon sourire est trompeur. J'implose face aux épreuves. Contenir, j'implose. Les miens me soulagent, ces liens me font tenir. J'implose, c'est une question de persévérance. Lundi prochain dans les bagues. Et j'implose, pour mon terrier vivant. J'interdis d'enfiler. À force de chercher l'or, je vais finir par me perdre. Oh, ceux qui parlent sur moi vont finir par se taire. Oh, je suis pas dans la merde, je suis dans les affaires. Beaucoup de soucis à gérer, me prends pas la tête. Moi, Léonida, je suis prêt pour la guerre. Vodka et son sont dans mes artères. Trop de galères sur le dos, tripler les discards. Le combat c'est vital, tout ne va pas si mal. J'implose face aux épreuves. Comment me contenir? J'implose. Les miens me soulagent, ces liens me font tenir. J'implose. C'est une question de persévérance. Patienter, serrer les dents. Bah oui, et j'implose. Mon terrain vivant. Je m'interdis d'en finir. Je peux tenir, me retenir. Il faut tenir, changer d'air. Je peux tenir, me retenir. Il faut tenir, calmer mes nerfs. Je construis ma vie ici pour l'au-delà. Je prends sur moi. Je construis ma vie ici pour l'au-delà. Je prends sur moi. Lundi prochain dans les bacs. Espace-temps. Masca. Va chercher ce truc. Le 20 octobre dans les bails. Merci Dadju, je t'aime. Bravo. Ça c'est mon son. En live à l'instant, le morceau J'implose qu'on retrouve sur l'album avec Dadju, qui est là aussi ce soir avec Masca, aux côtés de Masca. Dans ce planète rap consacré à Espace-Temps. Qu'est-ce qui se passe? Rapproche-toi PDG, rapproche-toi, prends la parole loin, là, mais quel son? Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe des dingueries là. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux faire aussi une explication de texte comme à Bouddha Bang? Tu veux rajouter quelque chose? Moi j'ai pas eu Madame Bam Bam, je veux. Non mais franchement c'est un super son. Le son qu'on a pu écouter aussi avec Aboutal, il est vraiment super lourd. C'est super bien écrit. Masca est un génie, on n'a pas besoin de le répéter. Allez le chercher, voilà c'est le vin. Allez le chercher et puis c'est tout. Allez le chercher. Le 20 octobre dans les bacs, en effet, espace-temps à pas louper, c'est dans 5 espace-temps jours. Espace-temps en entendant un défini. et séance dédicace dès lundi aussi. Wati Boutique à Paris, le 20 octobre à Châtelet, à Food Corner à Épinay. Le 27 octobre, c'est au centre commercial Lilo Auchan. Le Food Corner au Havre, c'est le centre commercial Le Grand Cap, le 28 octobre. Et à la Wati Boutique à Marseille, le 1er octobre. Celui qui a acheté un CD repart avec un t-shirt collector dédicacé. À pas louper. Avec un petit cœur si vous êtes gentil. Est-ce qu'on dit un mot sur Shinsekai? On est où les gars? Ça bosse dur? Bah écoute, Fred, là ça bosse chaud. Là, on ressort de studio. Et tous les jours on enchaîne, on bosse, on se voit tous les jours, on bosse comme des fous pour Indéfini qui va arriver très bientôt, donc en 2015. Donc 2015. Les gens ne sont pas prêts. J'ai envie de donner des titres, mais vas-y, je vais pas le faire. Ils ont déjà quelques titres. Il faut pas parle pas trop, je vais en lâcher deux là. Non, calme. T'as dit quoi? Non, j'ai rien dit. Ah ok. Oh, ça peut aller très vite. Je peux faire des mélodies, tout. Je connais tous vos trucs. Vas-y, ok. N'hésite pas, Non, tranquille, parce que lui aussi, il a quelques trucs. Ouais. Il pourrait sortir. Il pourrait lâcher. Je sais pas si ça serait des mélodies, tu vois. Non, comme Zoulou, demain, je fais un gros live de son dans le freestyle. Demain, il y aura un Zoulou. Il y aura un gros freestyle Watibé. Tu connais l'équipe. À pas louper. Et juste avant de se quitter, on va tourner la rafale. Skyrock t'offre le tournoi événement des Sopranos dans toute la France. Mélissa Duhave, tiens, Mélissa au Havre. C'est bientôt d'ailleurs que Masca débarque au Havre. C'est la semaine prochaine ou dans 15 jours, hein, c'est ça? Foot Corner du Havre. Le 28 octobre. Mélissa, ça va bien? Oui, et toi? Bah ouais, je te présente un peu tout le monde. Il y a Masca, évidemment, c'est son planète rap, les Shinsekai, il y a Bouddha Pay. Salut, Tu es prête à faire tourner la roulette, Mélissa, on y va? Toujours prête, hein. Allez, dès que tu veux, c'est parti. Ça roule, ça un, tourne. Deux, trois. Stop. elle a tout gagné. Et la roulette, elle a gagné tous les cadeaux. Elle n'a rien gagné. Tu as gagné des places pour aller voir Soprano en concert près de chez toi. On va dire quand pour toi, le 20 novembre à Caen? Oui, avec plaisir. Eh ben voilà, c'est le 20 novembre, 2 places, plus évidemment l'album Cosmopolitani de Sopra. On t'envoie ça. Merci, merci. Je vais faire une petite dédicace. On t'écoute, Mélissa, vas-y. Dédicace à Naïm Bouadi, ma meilleure amie. Dédicace à tous les gens de Saint-Paul, Tom, Léa, tout ça. Voilà. Eh ben bisous, passe une belle soirée. Bisous à toi. Merci. Bisous, Mélissa. Ah, l'émotion de la fin, elle était chiante. Qui a pleuré, c'est Abou, c'est... Non, j'ai entendu à la fin. Si, c'est Abou, c'est Abou. J'ai entendu. Non, non, non, moi je suis. Parfois, je n'arrive pas à identifier toutes les voix. Non, non, non, non, on est en mode Aou. Rafale. Rafale. Rafale. Oh. Rafale. 20 octobre. Rafale. Espace-temps. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci au Shin Sekai d'être passé. Demain, merci à Maska. Demain peut-être de retour. Je sais pas si vous vendredi. Merci à Boudepé. Ils sont là pour le quoi. Non. Merci à Fred. T'allais osé dire non. J'ai, je t'ai vu. Demain, demain, demain je suis là. Je suis là. Ah ouais. Que je suis là. À Boudepé sera là aussi. Je serai là demain. Je serai là en chair et en flot. Je serai présent. En chair et en flot. Demain, attends, mais demain je vais pas trop t'adresser la parole. Demain j'arrive gros visu militaire. Demain on va tout niquer. Demain on va tout niquer. Demain on va tout niquer. Demain on va tout niquer. Demain on va tout niquer. Demain on va tout niquer. Exclu total, un des morceaux de l'album de Shin Sekai. Demain on va tout niquer. Ça va être c'est très lourd. Merci à Maska aussi pour ce Planète Rap ce soir. Demain le retour un petit peu avant 20h. Merci à vous. On rappelle que l'album Espace Temps est dispo en précommande et qu'en plus vous partez avec un titre différent chaque soir. Exactement. Enfin chaque jour. Dès que vous vous réveillez le matin, hop, il y a un titre. Bim bam boum. Un titre direct. C'est le bim top. Et c'est allez, pas de la merde. C'est allez, allez le précommander, n'oubliez pas. Et je rappelle les dates une dernière fois. C'est le 20 octobre à la Wati Boutique à Châtelet, 29 rue de la Ferronnerie. Ensuite, le 27 octobre, Foot Corner, Épinay. Le 28 octobre, Foot Corner, Le Havre. Ensuite, le 1er novembre, Wati Boutique. À Marseille. Il n'y a plus Never. Il n'y a plus Never, et c'est dommage. Alors, comment ça s'est passé? Vous y étiez d'ailleurs, c'était bien, non? Moi, j'y étais pas. C'était lourd, moi non plus, j'y étais pas. Mais demain, j'ai vu les vidéos, c'était. Ouais, c'était cool, Never. Les mecs ont peur d'y aller. Après avoir balancé des Never. Ray, il a balancé une vidéo sur son Insta, c'était la foule. C'était une dinguerie. Merci à vous tous, on va retrouver D-Fool maintenant qui est là. Eh oui. Et on est là avec toute l'équipe. Et vous savez qui? On va commencer l'émission ce soir. Avec qui? Avec Nicki Minaj. J'étais sûr que ça vous ferait plaisir. Bien sûr que ça. Tu peux demander le portable, parce que D-Fool a le portable. D-Fool, il a le portable. Il communique régulièrement avec elle. Oui, oui. Et je confirme pour les deux chaises, hein, les deux sièges pour Nicki Minaj quand on l'a reçu nous aussi. J'arrive. On va parler business. On va faire un petit deal ensemble. On va parler indéfini. Bon, on va vous retrouver demain à partir de 20h, 21h. Enfin, on retrouve Maska surtout et tous les autres. 20h, 21h, Planète Rap. C'est ta semaine, Maska. L'album sort lundi. Il est dans les bacs. Exactement. Tu l'as écouté, tu l'as kiffé de ouf, tu m'as dit. Ben moi je le découvre dans Planète Rap tous les soirs. Ah merde, tu es en train de me contredire en live. Parce qu'on dit toujours toute la vérité sur ce cas. Non, mais j'écoute tous les soirs dans Planète Rap et on attend l'album avec impatience. Je sens que tu nous l'offres, Maska. Oui, on attend. Demain. Demain, on sera là. Soyez là vous aussi, 20h, 21h, Maska toute la semaine et Nicki Minaj qui arrive donc tout de suite pour démarrer la soirée. Et notre Nicki Minaj à nous est là, la Marie. Oh bah je te remercie, c'est sympa. Notre prince du hip hop à nous est là. C'est vraiment agréable. Oui, le roi de l'humour est là, c'est Karim. Cédric, nommé roi du clash depuis lundi, mais Romano n'attend pas à laisser faire ce soir. Et Samy, le roi de l'OM et Momo. Et puis des surprises pour les Marseillais ce soir. C'est parti jusqu'à minuit, on arrive dans moins d'une minute. A toutes, à tout à l'heure, Fredo. Enfin, demain. Ciao. Premier sur le